mami, yo sé que te va a gustar. Despacito, mami, yo sé que te va a encantar. Mueve, dale, mami. Despacito, mami, yo sé que te va a gustar. Mueve, dale, más sabrosito. Vamos a bailar. ¡A la cosa! Il est exactement 16h01 sur les ondes de Radio Arc-en-Ciel. Bienvenue à l'émission Lusitane à Pachon. Vous serez en compagnie de Carla jusqu'à 18h. Nous parlerons météo, nous parlerons actualité, nous parlerons également sortie du week-end ou de la semaine prochaine. Et je vais vous laisser en attendant en musique. Donc on écoute actuellement Bailar de Elvis Crespo. À la suite, Amel Bent avec Losa et Amir avec La Fête. À tout de suite. Du vice all night, fais pas ta rosta bébé. Avec moi tu tombes mal. J'suis pas ta rosta bébé. Tu te fais des films all night et tu me vois comme ça bébé. Y'a rien de plus normal.

4, 3, 2, 1. Judging me's a no-no. If you scroll through my photo, I do not live in slow-mo. I live my life in turbo, 'cause it's me vida loca. Et oui, c'est la vida loca sur Radio Arc-en-Ciel avec une musique bien latino, bien du soleil qui nous réchauffe parce que le froid revient. Ce matin, il faisait moins 1 et là, il fait à peine 8. Et au fur et à mesure de la semaine, le matin, ça va baisser. On va osciller entre moins 3 et moins 1. Et l'après-midi, entre 6 et 8. Ça devrait s'améliorer vers la fin de semaine prochaine. Bon, après, ce sera pas un gros soleil, hein. On n'aura pas 30. Pas encore. Ça viendra. It's my life, bitch. It's my life, bitch. 4, 3, 2, 1. Vida loca y no es la de Ricky. Con una canción y me busco el pique. Dinero, estamos para eso. Donc tout à l'heure vous aviez écouté Céline Dion et Jean-Jacques Goldman avec J'irai où tu iras. On écoute actuellement Black Eyed Peas, Nicky Jam et Tiga avec La Vida Loca. Et à suivre on aura Amine avec Señorita, Amel Ben, Camélia Jordana et Vita avec le titre Où je vais. Et à nouveau Black Eyed Peas mais cette fois-ci avec Balvin pour Ritmo. Et nous reviendra, je voudrais vous parler du carême qui a débuté cette semaine. À tout de suite. It's a big face, just give me big space. Spin that ass bag, make it rotate. I shoot my shot, all I need is one take. House party popping on a Monday. Can't tell me nothing like Kanye. And I never backtrack, get in my way. Do what I say, be fiance. I got girls like skin like Sade. Dark skin, skin like cake. Mm-hmm. Okay, flat stomach. No way. She wanna kiss and make up ole. Don't you act up, them boys in the back. And they won't think twice, just let me react. Yeah. My life movie never hit, it's a wrap. Tell a hater, relax. It's mi vida loca. It's mi vida loca. So cállate tu boca. Cállate tu boca. I already told ya, I'm living la vida loca. Óyeme, esta es mi vida y quítate de mi camino metida. No tengas celos, no seas jodida. Tú sabes que mi estilo maravilla. Ey, no puedes matar la movida. Ey, porque no estás en mi liga. Ey, pegando muy duro. Estoy trabajando todos los días. Work hard, play hard. Hot chicks on my radar. Stay lit on that liquid till we black out like Darth Vader. Squad it up with these hot bays and they stay south of the equator. I shine like a quasar. Ain't another nigga crazier. It's mi vida loca. It's mi vida loca. I do what I wanna. I do what I wanna. You can't tell me nothing, baby. No me diga nada. Bitch, you not my mama. We'll be right back. je sais, je le dirai jamais. Tu es ma señorita. La, la, la, la. Bienvenue, bienvenue, bienvenue dans nos programmes. Toda la noche rompemos, a juegos. Oh, nah. We bout to spend the dinero. Oh, yeah. We party to the extremo, baby. This is the rhythm of the night. Toda la noche rompemos. Oh, nah. Al otro día volvemos. Oh, yeah. Tú sabes cómo lo hacemos, baby. This is the rhythm of the night. Baby, tonight's like fuego. Oh, nah. We bout to spend the dinero. Oh, yeah. We party to the extremo, extremo, extremo, extremo, extremo. Ritmo. No son ni Reebok ni Sonai, nah. Sin estilista luzco fly, yes. La Rosalía me dice que luzco guay. No te lo niego porque yo sé lo que hay. Lo que se ve no se pregunta, nah. Soy tostero y tengo claro que es mi culpa, es mi culpa, culpa. Como Canelo en el ring nadie me asusta. Vivo en mi oasis y la paz no me la tumba. Hakuna Matata como Timon y Pumba. Voy pa' leyenda así que dale zumba. Los dejo ciego con la vibra que me alumbra. Haters pa' la tumba, nosotros pa' la rumba. Noche rompemos, al otro día volvemos. Oh, yeah. Tú sabes cómo lo hacemos, baby. This is the rhythm of the night. Baby, tonight's like fuego. Oh, we bout to spend the dinero. Oh, yeah. We party to the extremo, baby. This is the rhythm of the night. Toda la noche rompemos, oh, al otro día volvemos. Oh, yeah. Tú sabes cómo lo hacemos, baby. This is the rhythm of the night. Baby, tonight's like fuego. Tiene dinero. Oh, yeah. Me pareció de extremo, extremo, extremo, extremo, extremo. Ritmo. Styles upon styles upon styles, I got several. Born to be wild cause I live like a dead devil. Live it up, hit em up, that's a scenario. Tupac, I get around like a merry-go. Rooftop, I am on top of the pedestal. Flu shot, I am so sick I need medical. Puta, I learned that shit down in Mexico. The rhythm, the rebel. New and improved, I be on a new level. That's how we do it, we build it like Lego. Feel on a fire, you're dealing with Fuego. 16h25 sur Radio Arc-en-Ciel. Vous êtes à l'écoute de l'émission Lusitana Passion. Excusez-moi, j'en perds mes mots. J'espère que tout va bien pour vous, que vous soyez en voiture, à la maison, en cuisine, sur votre canapé ou... En tout cas, à l'écoute de Radio Arc-en-Ciel, je l'espère bien. Je voulais vous parler du carême. Donc le carême a débuté mercredi pour les chrétiens. Donc c'est une période de jeûne d'une durée de 40 jours. Alors qu'est-ce que ça signifie? En fait, après Mardi Gras, le mercredi des cendres débute une période de sobriété de 40 jours qui durera jusqu'à Pâques. Plus précisément pour cette année, jusqu'au jeudi 5, qui aura lieu le 3 avril prochain. Le carême s'est ouvert avec la célébration du mercredi des cendres, qui peut en général, qui tombe n'importe quel mercredi entre le 4 février et le 10 mars, en fonction de la date de Pâques. Et donc ça fait référence à une ancienne coutume biblique selon laquelle les Hébreux avaient pour habitude de se couvrir la tête de cendres en signe de pénitence. Et selon l'Église catholique, le carême fait référence aux 40 années passées au désert par le peuple d'Israël entre sa sortie d'Égypte et son entrée en terre promise, et renvoie aussi aux 40 jours passés par le Christ au désert entre son baptême et le début de sa vie publique. Les 40 jours symbolisent les temps de préparation à de nouveaux commencements. Je vous laisse écouter la musique de Back to Black de Amy Winehouse. Pardon pour l'accent. Ensuite, on va écouter Calvin Harris avec Feels. Et je reviens pour vous parler des sorties du week-end et de la semaine à venir. À tout de suite.

Alors, ce week-end, on a le Salon du Chiot, donc aujourd'hui et demain, au Parc Expo Comète. Donc, pour le plaisir de tous, de nombreux bébés chiots seront présents durant ce week-end. Ainsi, chacun pourra découvrir de nombreuses races. C'est un événement pour les passionnés du monde canin où de nombreux chiots pourront être admirés sans modération. Il y en aura pour tous. De nombreuses races seront représentées. Les éleveurs qui se rassembleront viendront des quatre coins de l'Hexagone. Tous sont des éleveurs, naisseurs producteurs, pas d'animaux d'importation ou issus de négoces au sein du salon. Il voulait préciser ça exactement et il y aura aussi un vétérinaire habilité par la direction des services vétérinaires qui contrôlera la santé et l'origine des animaux. Ce soir, il y aura également un concert pour tous les fans de funk, soul et jazz. Donc ça se passe à la Ruche en Seine sur Orléans. Ce groupe est fondé sur l'amitié. Il s'appelle Colorblind, dalnosien d'analogue des Beatles. Il se fonde avant tout sur le plaisir de jouer ensemble la musique, toutes les musiques. Combo bigarré, ce groupe apporte fraîcheur et groove sur les scènes où il se produit. Donc il y aura Denise au chant, Gérard au clavier et Jim à la guitare et au chœur, Bubur à la basse et Danny au chœur. Donc si vous aimez le funk, soul et jazz, n'hésitez pas à aller faire un petit tour. En fait, en parlant de concerts et puis finalement aussi du Comète, hein, il y aura beaucoup d'expositions. Il me semble que c'est le week-end du 11-12 mars. Il y aura le salon de la moto pour les passionnés de moto. Et puis, il y aura plein de concerts à venir, donc que ça soit au Comète ou à l'Arena d'Orléans. Donc, c'est à côté. Pour vous citer quelques noms. Alors, cette semaine, ça a fait l'actualité sur les réseaux. Il y a Sting qui viendra bientôt. Je vais vous donner exactement la date. Il y aura le Harlem Globetrotter, c'est un événement sportif. Il y a Gims avec sa LDVM Tour qui sera là le 3 novembre 2023 au Comète. Donc Sting, c'est le 6 juillet 2023, c'est bientôt. Lui, c'est à l'Arena. Il y aura Big Flo et Oli le 27 octobre 2023. Christophe Maé le 4 novembre 2023. Soprano le 19 novembre 2023. Bref, plein d'artistes. Ce soir, on a Kev Adams qui est là au Zénith d'Orléans. N'hésitez pas à aller voir sur les réseaux les sorties et vous faire plaisir avec soit des concerts, soit des pièces de théâtre. Mais il y a vraiment plein d'idées sorties et moyens de se faire plaisir. Ensuite, vous allez écouter Unica Mulher de Anselmo Ralph, Bomba Latina de Ana Melloa, Chico e Nacho, Andas en mi cabeza, La Arisa avec Baiser volé, Chico e Gypsies, Amor de mis amores, et de nouveau Chico e Nacho avec Niña Bonita. Je vous retrouve tout de suite. Ela fala por mim. Não liga, não. Pois na verdade o que eu sinto é que tu, pra mim, és a única mulher que me completa. Fica sempre segundo inquieta. Tu, pra mim, és a única mulher que me satisfaz. E com apenas um

pas s'arrêter si ce baiser s'allait. Tu le sais bien, t'es mal et il est. Pour préserver ma vie à jamais. Si nos routes vont se quitter si ce baiser s'allait. Un violoncelle seul, déboussolé sonne faux. Là dans la pièce abandonnée, vide, il y a des mots. Les noms censés des paradoxes sous le silence. S'installe un goût amer entre la mort et l'innocence. Passer la phase, tourner la page. Que le temps passe, combien de temps durera cet orage? Colère, haine et dépit réunis. Mais bon, voilà, ça sert à quoi lorsque tout est fini? Peine, peine, peine. De vivre, mon cœur s'est arrêté. Peine, peine, peine. On a tiré, on a visé, on s'est finalement touché. Tu le sais bien, t'es mal aidé. J'ai cumulé tout ce que j'avais. Si tout doit s'arrêter, si ce baiser s'allait. de un pensamiento. Y yo solo pienso en ti, mi niña bonita. Mi amor. Oye, tú reconoces un hit cuando lo oyes. Lo que siento por ti es ternura y pasión. Tú me has hecho sentir que hay en mi corazón tanto amor. Tratar de vivir sin tu amor. Lleno de romance y alegría, de bello detalle cada día, nena, ¿quién lo diría? Que de ti yo me enamoraría, y que si tu amor no viviría, ¿cómo sabría que esto pasaría? Que ibas a ser mía y que yo querría amarte por siempre. Mi niña bonita, mi niña bonita, mi dulce princesa, me siento en las nubes cuando tú me besas, y siento que vuelo más alto que el cielo, si tengo de ser. Ladies and gentlemen, questi forza. Ladies and gentlemen, est-ce que ça vous dirait un petit horoscope? Ça fait longtemps, non? Allez, c'est parti. Commençons par les béliers. Avec l'ambiance astrale actuelle, il y a des difficultés à prévoir côté cœur. Moment agréable et sans nuages, vous dégustez ce moment de légèreté. El momento ha llegado, lo que siento, estamos solos acá, nadie tiene que saber. Taureau, c'est moi. Alors, célibataire, d'accord. Une rencontre sentimentale est peu probable aujourd'hui, bah, je m'en doutais un petit peu. Mais vous adorez les belles choses, une tenue bien pensée ou une virée. C'est fait. Bon, mon horoscope est réel. Les Gémeaux, si vous n'êtes pas en couple, vous êtes tout à fait disposés à de nouvelles rencontres dans votre relation de couple. Vous ne recherchez pas. Bah, y a intérêt. Pour les cancers, cette journée pourrait être compliquée. Célibataire, vous vous délectez du flirt et de la séduction sans forcément chercher autre chose. Les lions, c'est célibataire, vous cherchez à traiter autrui d'une façon désintéressée et juste, mais pour y être un peu impersonnel. Vierge, les astres sont dans votre camp aujourd'hui. En couple, la curiosité, la sincérité dont vous faites preuve seront appréciées par votre partenaire. Elle est pas mal cette musique. Vous vous dites, pourquoi elle nous met l'horoscope? J'aime bien cette musique. J'avoue, moi aussi. Mais on continue quand même, j'ai commencé. Les balances, ce n'est pas un moment opportun pour une nouvelle relation. Si vous vous sentez dans une impasse avec votre partenaire, prenez le temps qu'il faut pour corriger tout cela. Côté amour, l'ambiance est au beau fixe. On vous trouve une volupté quelque peu irrésistible qui contraste cependant avec votre penchant possessif. Ah, c'est dommage, hein, quand même. Les Sagittaires, vous êtes plutôt cérébral pour les jeux de séduction y compris. Vous avez une tendance à prendre les choses très à cœur. Les Capricornes, vous faites preuve de hardiesse avec votre entourage et vous dégagez un certain éclat. Vous êtes du genre à foncer sans regarder le passé. Les Verseaux, l'amour se présente à vous sans détour. Vous mesurez et appréciez l'affection que votre partenaire vous porte. C'est fini, on va pouvoir écouter Dadju et Anita avec Mon Soleil. On finit juste avec les Poissons. L'amour se présente à vous de manière directe et spontanée. Vous avez droit à des jours de tranquillité bien mérités sur le plan sentimental. Donc je vous disais Dadju, Anita avec Mon Soleil, ensuite Aya Nakamura avec Comportement, Double Jeu de Christophe Willem, Claude François, Alexandrie Alexandra, La Grenade, Clara Luciani et Bébé Brune avec Coups et Blessures. Là, c'est pour un petit quart d'heure français. À tout de suite. Rentrer, tu veux plus sortir de ma tête. Je suis bien partout avec toi pour être honnête. C'est autour de toi que tourne ma planète. Let's go, mon soleil. S'amuser jour et nuit sans parler de sommeil. Let's go, mon soleil. On va goûter la vie à notre plaisir. Let's go, mon soleil. Si c'est pas toi, c'est qui, tu connais mon proverbe. Let's go, mon soleil. Abîmer ton brushing avec le toit. Y tú tenías razón, ya tenés mi atención. Perdí tiempo y nunca llegué al corazón. Sé bien lo que yo me merezco. Yo contigo sin miedo yo me arriesgo. Porque si la vida es así, bendición es tenerte aquí. Vamos a seguir el momento. Dejo libre todo lo que siento yo. Como una estrella. S'amuser jour et nuit sans parler de sommeil. Let's go, mon soleil. On va goûter la vie à notre plaisir. Let's go, mon soleil. Si c'est pas toi, c'est qui, tu connais mon proverbe. Let's go, mon soleil. Abîmer ton brushing avec le toit ouvert. Let's go, mon soleil. S'amuser jour et nuit sans parler de sommeil. Let's go, mon soleil. On va goûter la vie à notre plaisir. Les eaux, mon soleil. Si c'est pas toi, c'est qui, tu connais mon proverbe. Les eaux, mon soleil. Abîmer ton brushing avec le toit ouvert. Les eaux.

sur une île. Je suis dans ta vie. Je suis dans tes draps. Oui. Alexandrie, où tout commence et tout finit. J'ai plus d'appétit. Caparacuda, je te mangerai cru si tu ne me retiens pas. Je te mangerai cru si tu ne me retiens pas. Ou Alexandra. Alexandrie, ce soir je danse dans tes bras. Je te mangerai cru si tu ne me retiens pas. Les sirènes du port d'Alexandrie chantent encore la même mélodie. Oh, la lumière du phare d'Alexandrie fait naufrager les papillons de ma jeunesse. Partez sur le Nil. Oh. Alexandra. Ce soir j'ai de la fièvre, toi tu meurs de froid. Ce soir je danse dans tes bras. Alexandra. Et toi, qu'est-ce que tu regardes? T'as jamais vu une femme qui se bat? coup d'insomnie. Tu me plaques comme une affiche au mur. Je porte plainte pour coups et blessures. Cette petite séquence 100% française, c'était top. Là, on vient d'écouter Bébé Brune avec Coups et blessures. Donc justement, en parlant de musique 100% française, on a déjà le nom de la personne et le titre qui nous représentera à l'Eurovision cette année. Et je suis super contente parce que j'adore cet artiste. Si vous ne la connaissez pas, allez la voir sur les réseaux, c'est Lazara. Alors ce n'est pas son premier titre hein, qui sera représenté à l'Eurovision. Elle en a plein, c'est pour ça que je vous invite à aller la découvrir. Le titre pour la révision. Vous savez pourquoi? C'est que je suis en pleine révision pour un futur métier et du coup je me suis plantée de mots. Enfin bref, je vous raconte ma vie, c'est pas d'actualité. Là on parle de l'Eurovision et pas de révision. Et donc ça s'appelle évidemment le titre et c'est Lazara et je vous fais écouter tout de suite. Mon cœur, mes mains, mes yeux, mes reins, plus rien ne m'appartient. Je me fais du mal pour faire du bien. J'oublie comme si ce n'était rien. Dans mon jardin d'enfer poussent des fleurs que j'arrose de mes rêves, de mes pleurs. Évidemment, toutes ces belles promesses que j'entends, ce n'est que du vent. Évidemment, car après le beau temps vient la pluie, c'est ce qu'on oublie. C'est toujours trop beau pour être vrai, mais c'est jamais trop laid pour être faux. Évidemment, elle ne sera plus jamais là.

soy de espavientos, que me gusta el lento. Ay, llévame despacio, que no hay prisa, que dejando en mi camisa una ruta de besos que me lleva al mismo cielo. Ay, bon, malheureusement, les amis, il est déjà 17h48 sur les ondes de Radio Arc-en-Ciel et je vais bientôt devoir vous quitter. Mais vous ne resterez pas tout seul. On a notre animatrice Carla Gambo qui est arrivée dans les studios pour l'émission Flashback. Bonjour Carla. Salut Carla, ça va? C'est le duo des Carla, et le duo d'enfer. C'est les Carla. C'est Sunday night. Voilà, donc franchement, ne restez à l'écoute de Radio Arc-en-Ciel, vous serez pas déçus. Elle a une voix magnifique et les musiques sont extraordinaires. Pour ma part, pour ceux qui souhaitent venir à l'émission ou téléphoner pour une interview, que ça soit pour une passion, un hobby, vous êtes acteur, chanteur, qu'est-ce que je pourrais dire d'autre, bref, une passion. Venez nous en parler. Je vous interviewerai avec grand plaisir. Vous pouvez me contacter sur la page Unica Carlita sur Instagram. N'hésitez pas à le faire et je vous répondrai avec grand plaisir. À suivre, après Daniel Santa Cruz avec Lento, on va écouter Collectif Métissé, Laisse tomber tes problèmes, Dadju avec Ren et Coolio et avec Gangsta Paradise. Je reviens tout de suite pour vous faire un petit au revoir. À tout de suite. Oh,